Inspecteur, réveillez-vous. Laisse-moi mettre ma main sur ta bouche. Inspecteur. Bon, oui, je vais te rentrer dans l'Uber avant si tu veux. Madame, qu'est-ce que c'est que ça? Des oreilles! Nom de Dieu! Olympia! Putain, j'aime pas ça! Oh les mains, brigand! Eh bien, si vous n'avez pas encore remarqué, vous pouvez constater que nous sommes attachés à ces chaises. C'est fâcheux. Et à qui avons-nous l'honneur? À tout le reste de la Smala! Non! Maman! Mais pourquoi tu cries? J'ai raté ta main! Ouais, mais ça m'a trop fait peur, bordel! Et ce soir, c'est oreille, pas les mains! Fais chier! Papa, on mange! Oh ouais! J'ai une de ces fringales, mes petits houdoudous à la guimauve! On sert les invités d'abord! Monsieur! Oui, merci! Pas Miss Pasquale! Eh bien, justement, je pense qu'on peut comprendre les 20 disparitions. Il y a 20 paires d'oreilles sur ce plat. Élémentaire. Tu veux dire que nous serions tombés sur une famille d'anthropophages? Alors du coup, je suis à droite, ce n'est donc pas la peine de gueuler. Bon appétit! Inspecteur, est-ce que vous croyez qu'ils en ont quelque chose à foutre de nous? Je pense à toi, sinon nous ne serions pas attachés. Bah ouais, mais ils disent rien. C'est que les mets préparés par cette charmante lettre doivent être rompus. Vous êtes débile ou quoi? Parle pas. La bouche pleine. La bouche pleine. Femme. Ta. Mais si cet homme est en train de couper la tête de son fils. Mais attendez encore. Moi je suis réveillé depuis un quart d'heure. Parce que là le délire, c'est qu'ils se découpent les membres entre eux. Mais ça repousse. Repousse. Ces gens se découpent entre eux et ça repousse. Ouais, c'est de la triche. Faut manger quand c'est chaud. Mais monsieur, entre nous, entre chefs, entre concitoyens américains et chefs de famille, parlons-nous sérieusement. Qu'attendez-vous de nous? Oh, il faut finir son assiette. Alors non. Ma sauce à moi. Pas grave. Faut la faire manger au gamin qui l'accompagne. Alors déjà non. Je suis allergique et les oreilles d'humain ne font pas partie du répertoire gastronomique que ma mère eut l'honneur et le privilège, messieurs, de me faire découvrir dans les plus tendres moments de mon enfance. Non, ouais, vas-y. Découpe-lui à nous. Pas plus de place pour tes oreilles. Mais si ça rentre pas par la bouffe, Ça y est. Arrête tout de suite, je sens déjà mes écoulements nasaux et mon explosion cutanée se propager. Monsieur, afin de déguster vos somptueux petits plats, madame, ne serait-il pas plus habile de votre part que vous nous libériez les métacarpes afin que nous puissions... Inspecteur? Maman! Oui, je sais, elle est devenue normale. Certainement pas, non? Au Chatterton autour de votre poignet, je dirais qu'ils ont coupé l'ancienne, et vous en ont collé une autre. Ce qui dépasse tout entendement biologique, mais au fond... Flappy est parti, donc bon... C'est vrai? Bah ouais, elle était super moche. Non, mais attendez, inspecteur, vous allez devenir compétent! Je ne relèverai pas un tel affront, Pam. Ma vie n'a plus de sens. Bonsoir, c'est la police. Veuillez sortir calmement les mains sous la tête. C'est encore ce putain de flic. Cette fois, je vais le saigner. Ah oui, mais en famille. Inspecteur? Non. Si vous souhaitez, c'est le moment là. Non. Je veux mourir sur une plage de sable blanc. Putain, mais est-ce que vous pouvez être con? Mais adjoint de Pam, ils m'ont pris mon identité et m'ont volé mon originalité. C'est comme... Un fonctionnaire qui fait son boulot. Oh, toi si je t'attrape. Ah ouais? Et avec quelle main? Oh, Pam, Cette chute a brisé nos chaises, ainsi que nos liens. C'est notre salvation. Exact. Effectivement, Pam. Cette main fonctionne à merveille. Mes trêves de jouissance. Le devoir avant tout, Adjoint. Il est temps pour nous de... sauver nos culs. Ouais. Je plus sois. Mais cette maison est un véritable labyrinthe. Séparons-nous pour organiser les recherches, hein. C'est complètement con. Tu dis ça parce que ton arme est factice et que tu ne sais pas te battre. Chut. Ouais. Cavité buccale. Safe. Bien. Et si on explorait un peu ce dédale? Commençons par ce couloir sur notre droite. C'est la police! Sautez de là! Inspecteur, il y a quelqu'un derrière cette fenêtre barricadée. Tu as raison. Allons voir! Police, les mains en l'air! Saint Baruchon de Cornoudaille! Mais c'est Martial! Votre ancien camarade de promo? Lui-même! Comment vas-tu, Martial? Oh putain, c'est les deux counards! Bah alors, Martial, tu devrais pas être devant l'entrée et faire ton boulot? Mais oui, c'est bien toi que nous avons entendu tout à l'heure au mégaphone! Bah oui, mais Bouchard, faut lui que je me déplace! De toute façon, ton service doit être terminé? Ah oui, mais tu sais, pour nourrir mes 7 frères et sœurs, la CAF ne suffit plus! C'est quoi ce bruit là que j'étais au fond? Mon compteur de clichés racistes! Martial, l'heure est grave! Le glas de l'apocalypse a sonné, et nous avons besoin de toi! On est retenu ici par une famille de barges! Tu vas nous aider? Non, passe-nous ton arme au moins! Ces belliqueux et pouilleux résidents sont assoiffés de sang! À quoi cela tu se bureait-il? Tu t'es pas tiré, Flappy! Ah oui, mais non, mais là il a une nouvelle main, donc ça va! Oui. J'ai une nouvelle main maintenant. Je ne m'arrêterai pas au chatetone autour de ton poignet et je vais rentrer chez moi. Ah bah ça valait le coup de gueuler à la sirène, tiens! Nous au moins quelque chose pour nous défendre, Martial! Bon, d'accord. Martial, c'est un décapsuleur de bière. Et tu n'auras rien de plus! C'est bon, ça y est, il m'a gavé. Je me casse. Inspecteur, on perd du temps là. Comprends-le, Martial, c'est une situation très délicate pour un bleu. Ah, je te le fais pas dire, mais imagine encore plus pour un noir, hein. On jouait dans un film hollywoodien, je jouais le premier à courir. Oui, ou dans un jeu Capcom. Bon, on se retrouve dans le garage. Ok, Shababa, tu me dois une fleur. Ok, c'est bon. Tu penses que tu seras dans moins d'une demi-heure? Ton compteur vient de cacher, là. Oui, à tout à l'heure, Martial, hein. Inspecteur, j'ai une piste! J'ai trouvé une porte! Ne t'emballe pas, mon petit tas de pommes, et reste près de moi! Oh! Inspecteur! Le Big Daddy vient de péter le mur! Merci, Pam, pour cette information, et pense à rester bien loin de moi, ok? Mais... tu te tais et tu laisses parler le maître de maison! Vous pensiez partir sans finir votre assiette? Pam, tu dois... Ah! Le fief est pleutre, il a suivi sa piste. Peu importe. Il finira bien par retrouver le chemin de la marmite. Occupons-nous d'abord de toi. N'avancez pas. Reculez maintenant. Je vous préviens, j'ai un décapsuleur. Tu vas rester tranquillement devant ton assiette et manger ma sauce samouraï. Heureusement que cette poutre lui est tombée dessus. Quelle idée aussi de péter le mur porteur de sa cuisine. Quand je pense que nous étions à ça d'huiler votre portail. Et vous ne prenez même pas la peine de respecter l'architecture de votre vaste demeure. Ça me... Ah, le garage. Manquerait plus que Martial me renvoie à ma vanne. Ça doit être ici. Ah bah, j'ai failli attendre. Menteur. Mais où est ton adjoint? Il a... exploré une autre piste. Une autre piste, hein? Oui, c'est cela. Probablement que la course-poursuite aura un quelconque intérêt à ici plus tard. Bon, alors, c'est quoi le plan? Eh bien, c'est simple. Tu es rentré dans le garage, nous prenons ce chemin en sens inverse, on monte dans ta voiture et on se casse. Bah, et ton adjoint? Quel adjoint? Et ta Flappy? Martial, le devoir m'appelle. Bon, bah dans tous les cas, vu la situation, on a besoin de work, hein. Alors, je vais prendre ce talkie-walkie là que tu vois, hein, puis je vais d'accord. Le coller à mon oreille là, hein, comme ça. Tu vois, et puis là, au bip, que je vais appuyer sur ce bouton, là, il vous m'entend de l'autre côté, hein. Si tu pouvais aller plus vite, Martial. J'appuie, ouais. Attends, tu me presses pas, s'il te plaît. Oui, d'accord. Attends, ça sonne, hein. Regarde. Hein? Allô? Oui, bouge d'où les bras. Il semblerait que ton copain ait perdu la tête. Ça tombe bien. J'adore la cervelle en persillade. Attendez, attendez, attendez. Vous venez de couper sa tête avec la pelle de tout à l'heure? Ouais. Je veux cette pelle. Non, elle est à moi, mon endive aux jambons. Bon, eh bien tant pis, allô. C'était chouette, hein. Mais où est-ce que tu vas, là, mon cornichon? Je vous remercie d'ailleurs grandement de m'avoir ramené ma choupette, hein. Mais il est de mon devoir de vous laisser ici afin d'aller cloîtrer d'autres malfrats. Tu serais pas en train de fuir? Si, allègrement. Et ton adjoint? Mais quel adjoint? Ah, Pam! C'est un élève. Et la vie, bien que cruelle, reste la meilleure des enseignantes. Allez, bisous! Et tu partirais sans ça? Alors ça, ça c'est ma Flappy! Tiens, prends ça dans ta cavité de gueule! Oh. Viens là, ma biche. Bon! Gros-gneux. Pourquoi le garage s'est refermé? Moi que je ne suis pas bien fait comprendre. Tu ne partiras pas sans avoir fini. Ton assiette. Ça, c'était mon toit. C'était mon toit de vacanciers d'abord, ok? Alors, là tout de suite, j'approcherai. Somaliens qui meurent de faim. Et toi là? Oh, la belle rouge. Choupette. Big Daddy, vous venez de me faire perdre mon sang-froid, espèce de connard! Je crois bien que toi aussi tu commences à me gaver, ma petite poulopo! Ah, vous voulez régler comme ça, hein? Heureusement que vous aviez deux tronçonneuses dans cet établi! Personne ne quitte ma table d'hôte. Comme ça. Tu as pris ma Flappy. Je te prendrai la vie. Inspecteur Franklin. Versus. Big Daddy! Fight! Ce soir, c'est tes oreilles qu'on va manger! Ce soir, tes mains seront derrière le barreau de la justice! Je mets tes pieds où je veux, et c'est souvent dans mon assiette! Jeu de main, jeu de pilote! Préparé, mon pote! Au feu! Détrompe-toi! Pour t'oxyre, je n'irai pas de ma mort! Tiens! Je n'essaierai pas de me prendre pour un jambon! Yata! Le deuxième! Haha! Les bras t'en tombent! Yeah. Maintenant, tu restes à terre, maintenant! Jamais! T'auras mis le temps, mais tu ne terroriseras plus la veuve et l'orphelin. Oh, du Chatterton. Eh bien, voilà de quoi changer ma mine. Ma petite main chérie. Oh, je redis. Tu es tout pour moi, tu sais. Mais le bilan est lourd. Choupette est morte. Le garage est effondré. Il m'est donc impossible de poursuivre mon élan de fuite. J'espère que la piste que Pam a suivie est plus concluante, hein. Il me faut le retrouver d'ailleurs, s'il n'est pas mort. Mais enfin, je doute tout de même de sa survie, hein. Son incompétence relève d'un tel niveau qu'il faudrait le mesurer sur l'échelle de Richter. Mais je dois faire avec. Tu m'expliques? Parce que moi là, je suis patient, hein, mais ça va bien d'être payé à Wermouth. Et puis moi, tu vois, j'ai pas besoin de faire 10 heures sup, ok? Bon, et d'ailleurs, si ce sont les frères de Martial, les gamins là, vous arrêtez de jouer avec le Toki, c'est pour le boulot. Bon, par contre, si c'est la sœur de Martial, je te rappelle que je suis dispo vendredi soir. Bonne suceuse, un bisou. make the best of the situation. For I'm finally going insane. Les résidents et villes pouilleux. Épisode numéro 2. Inspecteur Franklin. Bisous.